la tempête. Le vent s'est calmé. Arrêté. Pas un oiseau. Pas une feuille. Rien ne bouge. Tout est figé. Comme une toile. À l'instant T. Quant au bruit. Pas un signal. Se laisse aller. Souffle et mon sang qui pousse dans les artères. Cela me fait un sifflement. Une dernière vision de rois enrougés nous aura assaillis. Elle écrit aussi vite, étouffée par une poussée.